Deuxième chapitre, la langue. L'utilisation de la langue pendant que vous jouez pourra stopper temporairement le souffle dans le didgeridoo. Si cela est effectué très rapidement, l'effet s'intègre dans un rythme. Pour obtenir cet effet, utilisez la prononciation silencieuse « da » que vous obtiendrez avec les lèvres et la langue pendant le bourdonnement. En produisant des mouvements de langue rapprochés pendant le bourdonnement, vous obtiendrez un rythme que l'on pourrait appeler rythme sautillant. Maintenant, essayons la répétition rapide de l'exercice précédent. Utilisez votre langue dans un double mouvement très rapide ressemblant à un dukkha. Dukkha. Ceci se faisant toujours avec un mouvement silencieux des lèvres. Vous n'utilisez toujours pas vos cordes vocales à ce stade de la pratique. Formons des sons avec la langue et les lèvres en prononçant silencieusement les syllabes du, da, di. Répétez lentement chacune d'entre elles à la suite. Essayez maintenant de mettre en pratique toutes les techniques enseignées dans ce chapitre.